Alors, peut-être pour sortir de ce sujet, pour président Bandakani, le Mali et le Burkina Faso aujourd'hui sont peut-être en train de, je dirais pas peut-être, en train de s'adresser au reste du continent africain. Et ça dit peut-être qu'il est temps que l'Afrique avance autrement avec les jeunes. Vous avez évoqué tout à l'heure la jeunesse des dirigeants, non seulement la jeunesse de ces dirigeants, mais avance avec les nouvelles idées, puisque le panafricanisme, l'unité du continent africain, c'était un rêve, c'était un idéal, c'est l'axe vers lequel l'Afrique est en train de foncer. Permettez-moi de retourner à mon ami Issa, mon frère. Oui. Toutes mes salutations chaleureuses, ma joie de le revoir, ça faisait longtemps, je n'ai pas fait un plateau avec lui. Que cette année lui soit meilleure, lui apporte beaucoup de joie. Quand on étudie la science des États, les États naissent de plusieurs façons. Ça peut être pour relever un défi de la nature. Ça peut être à l'issue d'un génocide. Ça peut être pour contrecarrer, ça peut être la conséquence de la lutte des classes. C'est-à-dire que des guerres ethniques débouchent, se transforment en lutte de classes. Tout à fait. Et l'État naît, se stabilise. Ça peut être la création de conquérants, de grands de conquérants. Qui unit des conquérants, d'hommes forts, qui réussissent à unir autour d'eux, n'est-ce pas, un ensemble de peuples. Donc, vous voyez, il y a plusieurs. Historiquement, l'État égyptien, par exemple, est né de la. Alors, président Badakani, je ne vous coupe pas, nous avons quelqu'un au standard. Allez, bonjour monsieur, vous nous appelez d'où? Donnez votre nom. Oui, allô, bonsoir. Alors, quelques soucis avec ce téléspectateur que nous reçoit et qui essaye un peu de participer. Le numéro s'affiche au bas de votre petit écran. Vous composez, vous tombez sur notre standard. Des dispositions sont prises pour que vous puissiez apporter votre contribution. La parole est à vous, président Badakani. On disait qu'un État comme l'État égyptien, que les Africains gagneraient à étudier profondément, n'est-ce pas, les conditions qui l'ont généré. C'est un défi de la nature qui a jeté ses bases matérielles, la nécessité de domestiquer les crues du Nil, par exemple. Vous voyez comment un État comme celui du Rwanda s'est renouvelé devant vous par le biais d'un génocide. C'est triste de rappeler ça, mais je rappelle un fait historique. Vous voyez comment les États africains ont été créés par décision de l'État colonial français, et en particulier général de Gaulle, décision. Beaucoup d'États africains, là, ont été créés par décision de Gaulle. Après, on a organisé la fanfaronnade de l'indépendance. Un État peut naître de la guerre, une guerre d'indépendance, comme l'Algérie a mené une guerre d'indépendance. Et a acquis son indépendance de haute lutte. Le Cameroun a fait une guerre d'indépendance. Un des plus puissants mouvements de libération de l'histoire de l'humanité s'est constitué au Cameroun. Et ça laisse des traces jusqu'à aujourd'hui. Donc il y a plusieurs modalités d'avènement des États. Tout à l'heure, Issa l'a dit, Diawara l'a bien de le dire. Mais là, le Burkina Faso et le Mali, c'est une question de survie. C'est une question de survie. Il a très bien expliqué, n'est-ce pas, l'encerclement géomilitaire, n'est-ce pas, de ces deux pays, et en particulier le Mali, ces deux pays, par la France OTAN. L'OTAN-France, l'encerclement, avec pour base arrière le Niger et la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire. Alors, quand vous avez la Côte d'Ivoire, le Niger, vous ne citez que ceux-là, qui ne sont que des postes avancés militaires de l'OTAN et de la France, la question de l'unité devient une affaire de survie pour vous. Tout à fait. Voilà, donc c'est de cela qu'il s'agit. Donc, la nécessité de fédérer les intelligences, les capacités, le potentiel, au moins, comme je l'ai dit, pour sécuriser les frontières de ces deux pays et vaincre les terroristes justifie amplement, n'est-ce pas, la construction d'une dynamique unitaire entre ces deux pays. Et nous le souhaitons de tous nos voeux, parce qu'il faut bien un commencement. Tout à l'heure, j'étais en train de vous indiquer que la chance qu'on a aujourd'hui, c'est que des dynamiques comme celle-ci se font dans un contexte où le monopole géopolitique et géomilitaire qu'avait l'Occident dans ces régions-là est cassé. C'est ça l'avantage, c'est ça. Donc il faut rapidement accélérer cette dynamique-là. Et le professeur Belay l'a souligné, c'est-à-dire, je pense aussi que Issa aussi l'a souligné, Diawara, le général, l'a souligné. Le no-man's land que la France a créé entretient à travers ce qu'on appelle les trois frontières. Ce no-man's land. La France transforme ça en no-man's land qui lui permet de faire tout ce qu'elle veut, d'organiser la destruction du Mali à partir de là, la déstabilisation du centre du Mali à partir de là. Ça permet de fabriquer tout et n'importe quoi. Ce no-man's land-là, mais il faut le contrôler. Il faut déstabiliser la France sur son propre terrain. Il faut déstabiliser le temps sur son propre terrain. Et comment est-ce qu'on va le faire si le Mali ne... le Mali et le Burkina Faso ne se donnent pas les moyens d'être forts à travers cette perspective de la fédération. C'est très important. Merci beaucoup. Merci à vous, président Badakani, avec votre Afrique Média. Le monde, c'est nous.